chez notre pays vraiment magique. Aux yeux des étrangers, notre pays vraiment magique. Nous sont crevés quand on voit trop de destins tragiques. Utopiques sont les phrases de ces politiciens. Ils utilisent nos mal et nos mots pour mener leur campagne à bien. Naïfs sont les gens qui ont suivi le troupeau au voté pour qu'un pays puisse se sauver de ce ghetto. L'euro est une monnaie d'escrocs. Blanc ou négro, c'est la même pro. Personne n'est là pour me dire ce fléau. Il est temps d'hausser le niveau. Lutter pour survivre afin de ne pas finir au caniveau. Dans plusieurs cités, les familles sont en tête. Car Sarko pense qu'à augmenter ses putains de recettes. Les dettes ne font que s'accentuer. Il y a énormément de Français expulsés. Certains sont obligés de voler, car c'est un luxe d'acheter des produits de première nécessité. Il faut lutter pour survivre, pour ne pas être enterré dans ce monde où peu de personnes te portent de l'intérêt. Lutter pour survivre, vaillant, on est obligé de voler pour que l'État puisse répondre à nos plaies. Lutter pour survivre, il faudra combien de morts pour une justice repart tous ses torts. Lutter pour survivre, on vit dans un monde hardcore sans souci, la loi du plus fort. Après ça, il faut que je continue ce combat pour arriver à survivre, car le temps m'est compté, le compte à rebours est lancé. Je ne peux revenir en arrière, mon destin est de combattre et de rester sur mes gardes et d'avancer sans se faire remarquer par l'ennemi. Il suffit d'une fraction de seconde pour que ta vie soit finie. Il faut que je réussisse ma mission pour ma famille, mes amis et ceux qui luttent pour vivre dans ce monde immonde. Je ferai tout pour arriver à mes fins. Sachez que la division NORT sera le bras après chaque coup donné. Ma vie se résume à montrer les dents quand il s'agit de survivre. Je suis prêt à tout donner pour pas mourir assoiffé de colère. Je suis prêt à tout faire pour m'en sortir. Je donnerai tout pour rester en vie. Quoi qu'il arrive, je suis prêt à me battre tout en restant sur mes gardes, l'ami. Alors on croise les doigts, seule la foi et la prière. Feu à fuir, la drogue et la misère. Car dans le terre-terre, les frères sont en guerre. Juste pour un regard de travers, le monde à l'envers. Les anciens trouvent que de nos jours, les gens sont consternants. Obligés d'être violents pour gagner de l'argent. Et c'est la loi du plus fort. Il faut lutter pour survivre ou sinon tu finiras mort. Dans ma vie, j'ai pas lutté pour obtenir ce qui me revenait, les droits et les choix sur le chemin que je vais emprunter. Dépiter à l'idée de revoter la droite et la gauche. Nous envoyer une percute dans nos porte-monnaie. Faucher les gages, les brutes et les gones n'ont plus de bruit et d'espoir. Pas du noir, en faisant la pute pour ranger les fins de moi. Le trottoir pour entretenir son toit. Il faut lutter pour survivre, pour ne pas être enterré dans ce monde où peu de personnes te portent de l'intérêt. Lutter pour survivre, vaillant, on est obligé de voler pour que l'État puisse répondre à nos plaies. Lutter pour survivre, il faudra combien de morts pour une justice repart tous ses torts. Lutter pour survivre, on vit dans un monde hardcore sans souci, la loi du plus fort. Il faut lutter pour survivre, pour ne pas être enterré dans ce monde où peu de personnes te portent de l'intérêt. Lutter pour survivre, vaillant, on est obligé de voler pour que l'État puisse répondre à nos plaies. Lutter pour survivre, il faudra combien de morts pour une justice repart tous ses torts. Lutter pour survivre, on vit dans un monde hardcore sans souci, la loi du plus fort.